Nous en avions parlé avec évidemment les précautions épistémiques de rigueur. Une étude publiée dans The Lancet sur quelques 1700 patients chinois hospitalisés montrait que 3 sur 4 d'entre eux continuaient à présenter des symptômes du Covid 6 mois plus tard. On parle donc de Covid long, mais qu'est-ce que c'est exactement que ce Covid long? Le tableau symptomatologique est très vaste, mais la réalité de la souffrance des patients est bien réelle. Comment appréhender cette chronicité de la maladie avec un peu de recul? Des associations de patients commencent à se former pour tâcher d'assister le monde médical qui semble encore très désemparé face à cet autre visage de la pathologie. Covid, une maladie au long cours, c'est le programme persistant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher de comprendre ce qu'est exactement ce Covid long, quels en sont les symptômes et quel type de patients sont concernés, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Viety Tran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, chercheur et co-investigateur du projet COMPARE au sein de l'APHP, où vous êtes également maître de conférence. On reviendra tout à l'heure sur ce projet COMPARE, justement, qui s'intéresse aux patients qui souffrent de Covid long. Et Dominique Salmon-Séron, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes infectiologue et professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Mais on commence par prendre des nouvelles de la science et vous allez l'entendre pas mal de Covid d'ailleurs dans ce premier journal des sciences de la semaine avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et je vous le disais, on commence ce journal avec deux nouveaux vaccins qui doivent pouvoir venir rejoindre bientôt l'arsenal contre le Covid-19, Natacha. Oui, alors il ne s'agit simplement que de communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques. Hein. Aucune étude n'a été publiée. Le premier vaccin, c'est celui de la start-up américaine Novavax. Lors des essais cliniques de phase 3, sur plus de 15 000 personnes, le vaccin s'est montré efficace à 89% contre le SARS-CoV-2. Il repose sur la technologie des protéines recombinantes. Le vaccin contient des protéines de pointe du virus qui ne peuvent pas se répliquer, mais qui permettent au système immunitaire de fabriquer des anticorps. Il fonctionne en 2 doses et se transporte et se conserve facilement dans des réfrigérateurs normaux. L'essai clinique s'est essentiellement déroulé en Angleterre, mais aussi en Afrique du Sud, là où le nouveau variant circulait déjà. Et il se trouve que face au variant sud-africain, l'efficacité de ce vaccin chute à 60%. Dans cet essai, on voit déjà les limites que posent les nouveaux variants. La compagnie Novavax a déjà annoncé qu'elle développait un vaccin spécifique contre ce variant. Et quid du second vaccin contre le Covid-19, Natacha ? Et le second vaccin, c'est celui du géant américain Johnson & Johnson et de leur filiale Janssen. Dans un essai international, leur vaccin montre une efficacité de 66%. Alors, ce n'est pas un vaccin à ARN messager, mais un vaccin à adénovirus atténué, comme celui d'AstraZeneca. Son point fort, c'est qu'il n'a besoin que d'une seule dose pour fonctionner. Et surtout, lors de l'essai, aucun participant n'a été hospitalisé. Le vaccin préviendrait des formes graves, mais il montre lui aussi des signes de faiblesse face aux variants sud-africains. Voilà, on va parler du Covid, c'est notre émission mensuelle consacrée à l'épidémie tout au long de cette heure. Et comme d'habitude, toutes les études dont il est question, aussi des communiqués de presse, puisque comme Natacha l'a rappelé, il s'agit pour le moment de communiqués de presse des laboratoires. On n'a pas accès à l'intégralité des données scientifiques de ces deux nouveaux vaccins. Et bien tout ça, on vous met ça sur notre fil Twitter, @laméthodefc, puis vous pourrez le retrouver ensuite sur notre site, sur le site de franceculture.fr. Et on passe au bref. On continue à parler du Covid avec cette prépublication sur le site MedArchive. Des patients pourraient être infectés par 2 souches de coronavirus différentes. Oui, fin novembre, dans le sud du Brésil, 2 patients dans la trentaine ont été infectés par le nouveau variant brésilien, baptisé B1.1.28. Et simultanément, ils ont aussi été testés positifs pour un 2e variant du virus. Alors si cette prépublication est validée par les pairs, cela serait la première preuve d'une co-infection de 2 souches différentes du coronavirus. Cela préoccupe les chercheurs car la coexistence de 2 souches dans un même corps risque d'encourager et d'accélérer de nouvelles mutations. Cela pourrait être une autre voie évolutive pour le virus. Et enfin, dans le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui, une tribune de l'économiste Pierre-André Buig qui dénonce le manque de financement pour la recherche en France. La France est aujourd'hui un pays de seconde zone dans les secteurs de haute technologie, je cite. Alors cette tribune rend bien compte du désinvestissement financier pour la recherche et le développement. Si dans ce secteur, en France, on dépense 793 euros par habitant, en Allemagne, en Autriche et en Belgique, ces dépenses vont jusqu'à plus de 1200 euros par habitant par an. C'est au moins le double. L'intensité des dépenses pour ce secteur par rapport au PIB d'un pays augmente très rapidement un peu partout, sauf en France, les points de PIB pour la recherche stagne depuis 10 ans. Pour rattraper un tel retard et pour que les industries françaises de haute technologie redeviennent compétitives, il faudrait dépenser 25 milliards d'euros supplémentaires par an. Seule une volonté politique forte pourrait arranger la situation. Merci beaucoup Natacha. Demain pour le prochain Journal des Sciences. Alors avant de rentrer dans notre sujet du jour qui est celui du Covid long, je vais demander une réaction peut-être à nos deux invités sur ces informations Covid. Tout d'abord, deux nouveaux communiqués de presse avec deux nouveaux vaccins qui peuvent potentiellement arriver dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois sur le marché. C'est évidemment plutôt un signe encourageant. Viet Thi Tran. Oui, je suis d'accord. C'est évidemment un signe encourageant. Plus il y aura de vaccins, plus on aura de capacité à produire les vaccins et plus on pourra se protéger contre la Covid. Et il n'est pas totalement impossible, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, que ça puisse aussi réduire le nombre de Covid longs et les conséquences de la maladie au long cours. Alors, je vais vous dire de faire un petit peu attention. Je crois qu'avec votre micro cravate ou votre micro, on entend un peu des bruits de micro sur votre blouse, sur votre chemise. Voilà pour la suite. Peut-être un mot, Dominique Salmon-Séron. Alors, c'est toujours évidemment des informations à prendre avec beaucoup de précautions, puisque, comme je le disais, il s'agit de communiqués de presse. On voit néanmoins aussi apparaître tout de suite bien ce que l'on redoutait un peu, à savoir une meilleure résistance a priori de certains variants, en l'occurrence le variant sud-africain, à ces nouveaux vaccins. Oui, tout à fait, mais merci beaucoup pour ce résumé de presse. Moi, j'ai été très intéressée quand même par la perspective offerte par Novavax avec cette protéine recombinante. C'est en fait, c'est une approche classique, quasiment 90% d'efficacité en deux doses, une conservation facile. Donc ça va être sûrement être très, très utile pour les médecins généralistes. Alors c'est vrai que l'efficacité diminue avec le nouveau variant, mais comme vous l'avez dit, on peut refaire ce vaccin spécifique de variants. Donc je pense que cette approche-là va être certainement très utile. Pour l'approche adénovirus, je sais pas. Ça, je suis un petit peu sceptique, l'efficacité de 70%, probablement moins bonne chez les personnes âgées. Il faudra voir sur le terrain ce que ça donne. En tout cas, on peut de toute façon se réjouir d'avoir plusieurs vaccins à disposition et ensuite ça permet éventuellement, le cas échéant, d'adapter la stratégie vaccinale, c'est-à-dire d'utiliser des vaccins à ARN ou à protéines recombinantes sur les personnes âgées qui seraient moins sensibles aux vaccins à adénovirus qu'on peut réserver du coup aux personnes plus jeunes. On peut imaginer comme ça d'un seul coup vraiment avoir une stratégie un peu plus précise, j'imagine, Dominique Salmon-Séron. Oui, tout à fait. On peut adapter la stratégie à l'âge, aux personnes à risque. Il faut pas cracher dessus. Plus on a de vaccins, plus on pourra vacciner de gens. Et peut-être chacun aura une stratégie spécifique selon sa situation, son âge, etc. Enfin, chaque groupe de patients, quoi. Et peut-être un mot, alors là il s'agit aussi, donc on prend toujours les mêmes réserves nécessaires, d'une prépublication sur le site MedArchive, donc ça veut dire qu'elle n'a pas été revue par les pairs. Néanmoins, cette contamination par cette coexistence de deux souches virales chez un même patient, Viet Thi Tran, un commentaire à faire là-dessus? Je vous avoue que c'est un sujet que je connais pas très bien. Mais c'est toujours inquiétant de se dire que, en fait, on savait qu'on pouvait déjà être réinfecté avec le variant entre guillemets classique. Alors se dire qu'on peut être réinfecté avec le variant classique et voire même infecté avec d'autres variants, on a l'impression qu'on va avoir du mal à se sortir de ça. Dominique Salmon-Séron, sur cette information. Ben, c'est quelque chose qui existe en maladie infectieuse. Faut pas non plus en faire un plat et s'inquiéter. On sait qu'on est infecté quelquefois par le virus de l'hépatite C avec deux variants, par le VIH souvent avec plusieurs variants. Donc bon, ben, ces personnes n'ont pas eu de chance. Ils ont rencontré deux virus différents. C'est pas forcément un signe de gravité. C'est vrai que ça veut dire qu'une première infection ne protège pas contre une autre, mais bon, à observer, quoi. On ne tire pas de conclusion hâtive et de toute façon, on vous tient évidemment informé jour après jour dans le Journal des Sciences et puis dans la méthode scientifique aussi, évidemment, sur l'évolution de la recherche sur le coronavirus. Mais maintenant, on va passer à notre thème du jour qui est le Covid long. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10, nous parlons donc de ce qui peut se traduire par une perte de goût et d'odorat qui se prolonge sur de longues semaines, voire au-delà de 2 ou 3 mois. Cela peut être aussi une sensation de fatigue qui ne s'en va jamais, une impossibilité à recommencer à fournir des efforts normaux, y compris pour des personnes qui étaient sportives ou qui se considéraient comme sportives avant de tomber malade, ou encore d'importants maux de tête, des troubles digestifs, voire des douleurs musculaires dans le dos. Le Covid long est protéiforme, hein. Il ne concernerait a priori pas que les gens qui ont été hospitalisés, qui ont souffert de formes sévères. Et les différentes études qui y sont consacrées sont à la fois difficiles à appréhender, parfois contestées, surtout limitées par le peu de recul que nous avons sur la maladie. Mais il semble indéniable que des troubles puissent persister après avoir contracté la maladie et sur une longue période. Alors quels sont ces troubles? Combien de personnes concernent-ils? Peut-on imaginer qu'une partie d'entre eux soit d'origine somatique? Le Covid peut-il devenir une maladie chronique? Les malades, eux, en tout cas, demandent à être entendus. Écoutez la parole qu'ils confient dans ce reportage diffusé sur France 3 le 19 janvier dernier. Pour Sylvia Choukla, près de 10 mois après avoir attrapé le Covid, ces simples gestes sont devenus pour elle particulièrement difficiles. La chose la plus handicapante pour moi, c'est la fatigue. Une extrême fatigue qui peut prendre des mesures exagérées si j'essaie de faire trop et que mon corps ne me le permet pas encore. Mais en tout cas, une fatigue qui m'accompagne du matin au soir. Cette professeure d'italien est atteinte d'une forme encore inconnue de la maladie, le Covid long. En plus de la fatigue, elle souffre de troubles de la concentration ou encore de problèmes de respiration. Elle a décidé de continuer à travailler. Avant, envoyer un mail, réfléchir, préparer une séance ou une séquence, ça venait de soi. Maintenant, c'est 3 fois plus difficile parce que je suis dans ce brouillard en continu. J'ai la tête dans le coton du matin au soir. Pour étudier ce phénomène, plusieurs hôpitaux ont décidé de prendre en charge ces patients. Ici, à l'hôpital parisien de l'Hôtel-Dieu, le professeur Salmon a ouvert une consultation spécifique. Là, tu présentes des symptômes assez typiques de post-Covid. Hein. Alors là, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir si on trouve une explication à ces symptômes. Et pour cela, chaque patient participe à une étude qui cherche à définir le Covid long. Les études actuelles tendent à montrer qu'à peu près 1/4 des patients ont encore des signes à 1 mois. Mais à 6 mois, c'est plutôt de l'ordre de 10 à 20%. C'est plutôt faible, hein. Les malades se sont regroupés en associations. Ils demandent la reconnaissance officielle de cette forme longue du Covid. Voilà ce reportage dans lequel vous intervenez d'ailleurs, Dominique Salmon-Séron. C'était le 19 janvier dernier sur France 3. Peut-être une réaction. Ce qu'on entend, ce qui est important, c'est que, et on en reparlera au cours de cette émission, c'est que les malades demandent à être entendus et n'ont pas toujours une impression que leurs plaintes ou que leurs symptômes étaient suffisamment considérés, Dominique Salmon-Séron. Oui, jusqu'à présent, c'était réel. Bon, maintenant, les choses sont en train de changer. Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à tous les niveaux, y compris au niveau de la Direction générale de la santé, de la Haute Autorité de santé, pour prendre en compte ces plaintes qui existent, qui sont réelles, hein, quelle que soit leur cause. Maintenant, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce reportage de cette professeure d'italien, c'est que malgré sa souffrance, qui est vraie, elle dit qu'elle reprend le travail, qu'elle reprend une activité progressive. Et ça, c'est important, malgré tout. Hein, parce que sinon, les signes se pérennisent, on risque d'aller dans la dépression. Donc, chacun doit essayer à son rythme hein, de reprendre tout doucement des activités. Mmh. J'ai trouvé que c'était très bien illustré par cette professeure. Viette Titrane, une réaction à ce reportage et à la parole des malades qui est entendue aujourd'hui, mais qui a peut-être mis du temps avant d'être considérée. À mon avis, il y a 2 choses, c'est-à-dire que aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus le Covid long, et ça, c'est une bonne chose. Donc, les médecins prennent conscience que c'est quelque chose qui existe et qu'il y a un certain nombre de symptômes qui peuvent avoir lieu. Cependant, en fait, aujourd'hui, les manifestations de la maladie sont extrêmement contraintes et on a une idée assez fixe de ce que c'est. Et parfois, on ignore des manifestations rares que peuvent avoir les patients. Et ça, c'est un objet d'étude que l'on a dans Compare. Alors, on reparlera tout à l'heure de l'étude du Lancet, hein, qui a un peu alarmé tout le monde en disant que 3 personnes hospitalisées sur 4 présentaient des symptômes à 6 mois sur une cohorte de 1733 patients. On y reviendra tout à l'heure. Peut-être qu'il est aussi important, parce que il y a beaucoup de fantasmes autour de ce Covid long, de rappeler malgré tout qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, le Covid n'est pas considéré comme une maladie chronique, que c'est une maladie aiguë et que même si elle peut être évidemment très grave et provoquer la mort des personnes les plus fragiles et les plus âgées, dans une très grande majorité des cas, il s'agit d'une maladie plutôt bénigne, Dominique Salmon-Séron. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Dans, disons, 90% des cas, c'est une maladie plutôt bénigne. Mais dans un certain pourcentage de cas, soit les formes sont graves d'emblée, soit on assiste à des formes prolongées. Et ces formes prolongées, elles peuvent toucher tout le monde, même des gens qui ne sont pas à risque. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir pour les jeunes ou les personnes qui ne sont pas à risque. Il faut quand même faire extrêmement attention, pas négliger le fait d'être infecté par ce virus. Viet Thi Tran, ce que je voulais rappeler surtout, c'est que évidemment là c'est un peu des choses assez évidentes de rappeler que la plupart des gens font des formes de Covid soit asymptomatiques, soit très peu sévères. Néanmoins, aujourd'hui, on ne considère pas le Covid. Alors voilà, je vais reformuler ma question. On ne considère pas encore pour le moment le Covid comme une maladie chronique, Viet Thi Tran. Non, aujourd'hui, on ne considère pas encore le Covid comme une maladie chronique et on espère encore que ça ne le deviendra jamais. C'est-à-dire que la plupart des symptômes disparaîtront, par exemple, en un an, comme ça peut être le cas dans d'autres syndromes post-infectieux. Et juste pour revenir sur l'étude du Lancet que vous avez citée, il y a un autre point qui peut être important de souligner. C'est-à-dire que dans cette étude, on dit il y a 2 patients sur 3 qui vont avoir des symptômes à 6 mois. Mais ce sont tous des patients hospitalisés. Or, dans d'autres études qui prennent de manière plus large les patients qui avaient la Covid, y compris des patients ambulatoires, c'est plutôt 10% des patients, oui, pardon, qui avaient une Covid, qui vont avoir des symptômes au long cours. Donc, c'est quand même moins fréquent que 2 patients sur 3 qui vont avoir des symptômes. On va revenir sur ces différents chiffres et sur la prise en compte exacte, parce que quand on peut vous entendre dire, Dominique Salmon-Séron, par exemple, normalement au bout d'un an, on n'a plus aucun symptôme. Un an avec des symptômes, ça peut paraître très long et assez insurmontable, surtout et en fonction de la nature des symptômes. Peut-être pourrait-on commencer par se poser la question de quand commence à apparaître et à partir de quel moment des patients commencent à manifester une sorte de forme de chronicité ou en tout cas des symptômes qui continuent à durer après avoir été testé positif au Covid. Avant de répondre à votre question, pour continuer le commentaire de Viet Thi, il existe 2 formes. Il y a les patients qui ont été hospitalisés, qui eux vont avoir des séquelles. Et c'est ça, l'étude chinoise, elle montre que dans 75% des cas, les gens ont encore des symptômes à 3 mois. Et puis, il y a les Covid longs, donc là, on va discuter surtout de ce thème-là. Ce sont des patients qui ont fait un Covid mineur et qui, au lieu de guérir à 3 semaines, parce qu'on pense que la maladie aiguë dure en gros 3 semaines. Donc à 3 semaines, on ne doit plus avoir de symptômes. Et bien eux, après 4 semaines, continuent à avoir des signes ou bien ont de nouveaux signes qui apparaissent. Donc pour l'instant, ce délai, il n'est pas très défini. Est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 8, vous voyez? Mais globalement, les gens s'accordent à dire qu'au bout de 3 semaines, ça doit être fini. Et quand de nouveaux signes apparaissent ou des signes persistent au-delà de 4 semaines, on rentre dans une forme prolongée. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas dire que ce n'est pas une maladie chronique. Hein. Ça dépend ce que veut dire maladie chronique, mais c'est possible. Et d'ailleurs, j'ai fait des demandes déjà à la Sécurité sociale pour une prise en charge de ces patients en longue maladie. Provisoire, hein. Et la Sécurité sociale reconnaît que quelques patients sont vraiment handicapés sur le moyen long terme, quoi. On n'a pas encore de recul plus de 9 mois, hein, mais oui, disons après un délai de 9 mois. La question de la prise en charge, on va se la poser évidemment. J'aimerais juste qu'on définisse bien de quoi il s'agit, parce qu'effectivement, Viet Thi Tran, vous le dites l'un et l'autre, quand on parle de ce Covid long, il ne faut pas confondre ça avec les séquelles du passage en réanimation, parce que on l'a déjà dit plusieurs fois à ce micro, mais il faut peut-être le répéter. Passer en réanimation, c'est vraiment revenir de la guerre, quoi. Enfin, je veux dire, les gens qui vont en réanimation, surtout s'ils sont déjà en général dans des états de santé fragiles, il peut y avoir des séquelles qui sont liées non seulement à la forme aiguë de la maladie, mais également par la prise en charge et par la réanimation elle-même. Oui, effectivement. Alors, si on regarde en fait les manifestations qu'on peut avoir au décours d'une infection par la Covid, schématiquement, on pourrait dire qu'on a les séquelles, c'est-à-dire des atteintes d'organes, parce que le poumon a été endommagé par la maladie aiguë, parce que le cœur a été touché par la maladie aiguë. On peut avoir, comme vous dites, des séquelles post-réanimation. Il y a effectivement aussi ce que vous avez mentionné tout au début d'émission, donc on peut avoir une réinfection, une rechute. Et après, il y a d'autres choses, c'est-à-dire une espèce d'ensemble de signes qui ressemblent au syndrome de fatigue chronique et qui peuvent persister un certain temps, ou alors des manifestations qui ressemblent au syndrome de stress post-traumatique. Et en fait, c'est difficile de gérer ou de discerner la nature exacte de chaque symptôme. C'est-à-dire qu'on peut être fatigué par une séquelle d'organe, ou on peut être fatigué dans le cadre d'une réaction un peu syndrome de fatigue chronique. Et c'est pour ça, en fait, que les patients qui avaient du mal à faire la part entre tout ça ont créé cette entité Covid long. Le Covid long, c'est un terme qui a été inventé par les patients eux-mêmes pour désigner l'ensemble des choses, indépendamment de l'origine des symptômes. Mmh. Et alors, un deuxième point, c'est juste pour préciser, il y a eu des recommandations du NICE, donc c'est au Royaume-Uni, pour définir un peu comment ça se passe, l'infection par la Covid et puis la transition vers le Covid long. Et donc, eux, ils font une transition qui disent la phase aiguë, c'est à peu près 4 semaines. Ensuite, on a cette phase de symptômes persistants, en général qui sont liés à des séquelles d'organes qui va durer jusqu'à 12 semaines. Et puis, après 12 semaines, il faut se poser la question de ce fameux syndrome post-Covid. Alors, eux, ils appellent pas ça le Covid long, mais le syndrome post-Covid, c'est-à-dire des manifestations inexpliquées et non liées à des atteintes d'organes et des séquelles de la maladie directement, quoi. Dominique Salmon-Séron, bien sûr, pour bien faire le distinguo entre les séquelles d'un passage en réanimation d'un séjour hospitalier après une forme sévère et précisément ce que vient de décrire Viet Thi Tran, à savoir les symptômes Covid long post-Covid. Ben, je pense qu'il a tout dit, Viet Thi Tran, hein. C'est-à-dire, il existe un overlap entre les complications post-hospitalisation et le Covid long. Bon, la première chose que doit faire un médecin, c'est de savoir si son patient a été en réanimation et a des séquelles. Donc, comme il le dit, il y a des séquelles pulmonaires, par exemple, une fibrose pulmonaire, des séquelles cardiaques, il peut y avoir des myocardites, des séquelles neurologiques, le patient a pu faire un AVC, des séquelles musculaires, il a pu être dénutri, perdre toute sa masse musculaire, une anxiété, enfin tout ça. Donc la première chose qu'on doit poser au patient comme question, c'est est-ce que vous avez été hospitalisé, est-ce que ça s'est mal passé, etc. Mais à partir du moment où le patient n'a pas été hospitalisé, il a une forme mineure et il a des symptômes qui persistent ou qui réapparaissent, une fois qu'on a éliminé ces séquelles, on rentre dans la phase de Covid long. Alors précisément, parlons un peu de ce Covid long, ou en tout cas de la façon dont on peut le décrire. On reviendra, hein, parce que vous avez mené, conduit l'un et l'autre des études sur différentes cohortes de patients qui aboutissent d'ailleurs à des analyses assez similaires, mais avec leurs particularités chacune. Aujourd'hui, de quel type de trouble parle-t-on quand on parle de Covid long? Parce que quand on regarde le tableau symptomatologique, c'est extrêmement divers. Viet Thi Tran, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a plusieurs types de troubles persistants. Bah, effectivement, donc la Covid, c'est quand même une maladie qui touche à peu près tous les organes. D'ailleurs, si on regarde des études qui ont fait des IRM systématiques à plein de patients, hospitalisés ou pas, en fait, on trouve chez 66% des patients, à peu près 12 semaines après le début de la maladie, l'atteinte d'au moins un organe, que ce soit le cœur, les poumons, les reins, le foie, le pancréas, etc. Donc en fait, ben on retrouve tout ça, c'est-à-dire qu'on retrouve des symptômes qui sont vraiment pulmonaires, le fait de tousser, le fait d'avoir du mal à respirer, des symptômes cardiaques, alors qui c'est principalement des douleurs thoraciques et ou la fatigue, ou pareil l'essoufflement, des symptômes digestifs, des symptômes locomoteurs, comme le disait Dominique. Enfin voilà. Ça touche quasiment tous les organes. Dans notre étude, on a décrit au moins 50 symptômes différents qui touchent une dizaine d'organes et d'appareils différents de la maladie. Dominique Salmon-Séron, sur ce tableau symptomatologique très divers. Oui, alors au départ, quand on a ouvert notre consultation, les patients rapportaient des symptômes très divers. Et à la fin de la consultation, on se demandait si on était face à une vraie maladie ou non. Mmh. Et puis, après avoir vu une cinquantaine, une soixantaine de patients, on a réussi à les classer par ordre de fréquence. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des similitudes. Donc les trois signes les plus fréquents, de très loin, rapportés par, disons, 70% des patients, c'est cette fatigue très importante qui survient au moindre effort, des signes cardiothoraciques variables, mais c'est souvent des douleurs, des oppressions, des cœurs qui battent vite ou reprennent trop lentement, et puis des signes neurologiques qui ne sont pas toujours au premier plan, mais les gens se sentent un peu dans le brouillard, trouble de concentration, petit trouble de mémoire. Ça, c'est vraiment les signes cardinaux. Et à côté de ces trois signes, un petit peu plus rarement, on va avoir des douleurs musculaires, on va avoir des troubles de l'odorat. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant avec d'autres virus, enfin, quelquefois les coronavirus, mais rarement, des troubles de l'odorat qui peuvent revenir, et des troubles digestifs. Et puis alors après, il y a tout un tas de signes, beaucoup plus rares, mais très très divers, qui peuvent être un peu n'importe quoi. C'est des signes cutanés, des signes vasculaires, des difficultés à uriner, enfin des signes très très divers. Voilà. Mmh. Donc nous, quand un patient se présente et qu'il a comme ça plus d'un signe, c'est finalement cette combinaison de symptômes qui nous fait dire, voilà, ça ressemble vraiment à un Covid long. Et là, on précise bien qu'on parle de patients qui n'ont pas fait de forme a priori grave, c'est-à-dire qui n'ont pas nécessité d'hospitalisation. Disons donc oui, dans 90% des cas. Mmh. À l'Hôtel Dieu, dans la consultation post-Covid, on a peut-être 8 à 10% des patients qui ont été hospitalisés et très très peu qui ont dû recevoir de l'oxygène, un ou deux. Mmh. Donc la majorité, ce sont des Covid initialement très simples. Mais alors, il y a une autre question qui se pose toujours et qu'il faut adresser, puisque même les patients eux-mêmes le disent et posent cette question-là. Hein. C'est la question finalement de ce qui peut être de l'ordre de ce qu'on appelle le retentissement psychosocial de la maladie, c'est-à-dire de le symptôme traumatique que peut être cette maladie dans le contexte dans lequel on la vit aujourd'hui et depuis un an d'épidémie. Est-ce que il peut y avoir la possibilité qu'une partie de ces symptômes soit d'origine somatique, Viet-Titrane. Oui, évidemment, il est possible qu'une partie des symptômes soit d'origine psychosomatique. Alors, je tiens juste à préciser que, en fait, il y a eu quand même pas mal d'études qui étudiaient des patients ambulatoires et des patients qui avaient des formes très modérées avec peu de symptômes, mais où on a cherché de manière systématique des atteintes, par exemple, cardiaques ou pulmonaires, et où on a trouvé des anomalies à l'imagerie alors que les patients se sentaient bien. Alors c'est pas pour paniquer les gens, etc. Mais c'est-à-dire que il peut y avoir en fait une part des symptômes qui est liée vraiment à une atteinte d'organes, mais qui est passée peut-être inaperçue lors de l'examen initial. Après, il y a cette histoire de syndrome de fatigue chronique ou de manifestation qui pourrait être similaire à un syndrome de fatigue chronique. Et là encore, l'origine n'est pas très claire, mais il n'est pas totalement impossible que ce soit une origine immunitaire qui soit à l'origine de ces symptômes et en particulier de la fatigue. Et ça, il y a beaucoup de similarités avec d'autres maladies infectieuses. On a décrit un syndrome de fatigue chronique après la fièvre Q, après une infection par le virus Epstein-Barr, après les autres virus SARS, etc. Il faut peut-être nous rappeler rapidement, Viet-Titrane, ce qu'on entend exactement par syndrome de fatigue chronique, parce que c'est vraiment quelque chose là qui a un tableau symptomatologique très clair et qui est effectivement tout à fait identifié pour un certain nombre de conséquences d'infection notamment. Le syndrome de fatigue chronique est principalement caractérisé par sa fatigue, quoi. Donc après, il peut avoir un ensemble d'autres symptômes un peu connexes et qui ressemblent beaucoup aux symptômes qu'on décrit dans le Covid long, c'est-à-dire des troubles du sommeil, des troubles cognitifs avec des difficultés à se concentrer, des douleurs musculaires inexpliquées. Et j'en passe. Il y a un ensemble de manifestations assez hétérogènes, mais qui peuvent être souvent retrouvées après une infection. Mmh. Et alors un dernier point, c'est quand on regarde une étude qui est alors aujourd'hui uniquement en préprint à ma connaissance et qui a suivi 3700 patients dans plusieurs pays du monde, ils ont essayé de classer les symptômes en fonction du moment où ils arrivaient. et ils ont distingué trois formes, en fait. Un premier groupe de symptômes, c'est globalement, en fait, des symptômes qui apparaissent au moment de la forme aiguë et qui disparaissent petit à petit. Le fait d'avoir mal à la gorge, le fait d'avoir du mal à respirer, la fièvre, etc. Mmh. Le deuxième tas de symptômes, c'est ceux qui restent au début et qui persistent après. Et ça, c'est des douleurs abdominales, la nausée, le maux de tête, les troubles de la respiration, etc. Et puis après, il y a un dernier groupe de symptômes, c'est ceux qui apparaissent en fait dans un deuxième temps. Et c'est exactement ce que décrivait Dominique, c'est-à-dire des palpitations, le cœur qui bat trop vite, trop lentement, la constipation, des troubles de l'audition, etc. Et donc en fait, il y a vraiment une temporalité différente des symptômes, et c'est ça qui rend la maladie très complexe, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de choses qui apparaissent à différents moments, etc. Mmh. Dominique Salmon-Séron, vous vouliez peut-être compléter, ou il y a aussi quelque chose qui m'intéresserait, c'est que est-ce qu'on a quelque chose de similaire, ou est-ce que quelque chose de similaire a pu être documenté pour d'autres coronavirus, et je pense notamment au SARS, c'est-à-dire au SARS-CoV-1 et au MERS-CoV. Oui, alors effectivement, après le SARS-CoV-1 à Hong Kong, des chercheurs ont suivi les patients pendant 3 ans et ils se sont rendus compte sur une série de 200-300 patients que 25% avaient l'équivalent d'un syndrome de fatigue chronique. Mais le syndrome de fatigue chronique, finalement, on ne sait pas à quoi c'est dû. C'est des gens qui sont fatigués, qui ont des douleurs, des troubles neurocognitifs, des difficultés à se concentrer. Et une des hypothèses pour le syndrome de fatigue chronique, c'est que ça toucherait le système nerveux autonome. Et vous savez qu'il y a deux systèmes nerveux, celui qui est volontaire, donc ça permet d'ouvrir le bras, fermer le bras, etc. Et celui qui est autonome, qui s'occupe, sans qu'on y pense, de la respiration, de la digestion, etc., du chaud, du froid, du rythme cardiaque. Et bien, ce qui semble, une des hypothèses, c'est que le syndrome de fatigue chronique était dû à une atteinte du système nerveux autonome. Et on retrouve la même chose dans le Covid. Maintenant, avec un peu de recul, j'ai pu explorer plusieurs patients qui ont des vrais syndromes de dysautonomie. Donc ça, c'est un peu inquiétant, si vous voulez. Ça peut vouloir dire que le virus a un tropisme cérébral et pourrait entraîner des atteintes du système nerveux autonome pendant quelques mois. Bon, après, ça s'améliore. Faut quand même, j'espère qu'on parlera de l'évolution. On va parler de l'évolution, bien sûr. Voilà. Tout à fait. On va parler de l'évolution. On rappelle, et on va revenir aussi un peu sur l'épidémiologie. On ne parle pas, évidemment, là, on parle d'une minorité de cas et d'atteintes par le Covid. On va parler également des questions liées à la prise en charge, ainsi que vos deux études et vos deux études qui sont encore en cours. Et d'ailleurs, que les auditrices et les auditeurs peuvent rejoindre le cas échéant. On va en parler dans quelques instants. Mirror Ball de Temps Calme à 16h35 sur France Culture. Et comme chaque jour en soutien à la scène musicale indépendante française, nous parlons de Covid long tout au long de cette heure en compagnie de Viet Thi Tran, qui est médecin-chercheur et co-investigateur du projet COMPAR dont nous allons parler dans quelques instants. C'est au sein de la PHP où vous êtes également maître de conférence. Et Dominique Salmon-Séron, qui est infectiologue, professeur des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris. Peut-être qu'on pourrait revenir tout de même rapidement sur cette étude du Lancet qui a fait quand même beaucoup de bruit, pour que vous puissiez nous en dire un mot, puisque comme je le rappelais tout à l'heure, il s'agit d'une étude menée au début de l'année dernière, donc pendant la première vague de Covid en Chine, sur 1733 patients, et on a beaucoup dit et entendu partout que 3 personnes sur 4, du coup c'est ce que disait cette étude, avaient continué à présenter des symptômes, donc post-hospitalisation, 6 mois après le début des symptômes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire exactement, Viet Thi Tran, de cette étude, et pourquoi est-ce qu'elle a été par la suite pas mal relativisée? Alors, premièrement, c'est une étude extrêmement importante sur le sujet, et donc ce qui est important, c'est qu'ils ont essayé de suivre de manière exhaustive 1700 patients, alors en fait sur 2469 patients qui avaient été hospitalisés au moment entre janvier et mai. Et ils les ont suivis pendant 6 mois, et ils ont regardé quelles manifestations de la maladie ils avaient, mais également ils leur ont fait des scanners thoraciques et des tests respiratoires. Et dans cette étude, c'est exactement ce que vous dites, il y a 75% des patients qui rapportent au moins un symptôme, et 60% des patients qui rapportent avoir une fatigue persistante à 6 mois, avec une aggravation, enfin une plus grande proportion de patients qui avaient des symptômes en fonction de la gravité initiale. On voit également qu'il y a des troubles organiques qui persistent, avec des troubles de la diffusion au niveau pulmonaire qui sont présents entre 22 et 56% des patients, en fonction de la gravité initiale, pareil, et 50% des scanners qui étaient anormaux à 6 mois, ce qui est quand même, qui témoigne de la gravité des patients de cette étude, quoi. Un dernier point important, c'est qu'en fait, dans beaucoup d'études sur le Covid long, on avait l'impression que les femmes étaient plus touchées que les hommes. Et en fait, cette étude nous montre qu'en fait, les femmes sont autant touchées que les hommes en ce qui concerne les anomalies sur le scanner, les anomalies sur les troubles de la diffusion. En revanche, elles rapportent beaucoup plus de symptômes d'anxiété, de dépression et de fatigue que les hommes. Donc c'est plutôt dans ce qui est rapporté par les patients qui est différent, mais dans les troubles objectifs, en fait, il y a à peu près le même nombre chez les femmes et les hommes. Dominique Salmon-Séron, sur cette étude du Lancet. Oui, cette étude est vraiment très intéressante. D'ailleurs, ça rejoint aussi les résultats qui commencent à être générés par les équipes françaises. Notamment, certains hôpitaux revoient systématiquement leurs patients hospitalisés. J'ai entendu des collègues de Bicêtre relater des résultats très similaires qui vont sortir bientôt. Donc ça, il faut bien voir que cette étude chinoise, c'est les patients hospitalisés. Oui. Et dans cette étude, c'était plus d'hommes. Il y avait 52% d'hommes. 78% avaient reçu de l'oxygène. Et ils avaient été hospitalisés en médiane 14 jours. Donc, c'est pas les Covid longs, quoi. C'est ce qu'on voit, si vous voulez, dans cette étude chinoise, très importante, c'est que 75% des gens qui ont été hospitalisés et qui ont reçu pour la majorité de l'oxygène ont encore des symptômes à 3 mois. À 6 mois même. Hein, 6 mois. À 6 mois, 6 mois, oui, absolument. 6 mois. Mmh. 6 mois, ouais. Et sinon, pour les symptômes, c'est ce que dit exactement Tran, avec peut-être aussi des troubles du sommeil. Il y a... C'est ce problème de troubles du sommeil qui est aussi assez spécifique du Covid. De troubles, c'est-à-dire de troubles d'insomnie ou d'hypersomnie? Surtout insomnie. Insomnie, anxiété, dépression, tout ça, c'est très, très important. Alors ça, vous voyez, c'est l'étude des hospitalisés. Il y a d'autres études qui ont été faites chez les Covid ambulatoires, notamment une très belle étude qui a été faite par l'Office national des statistiques anglais, par téléphone. Donc ils ont pris tirage au sort, par téléphone, ils ont appelé des gens qui avaient une PCR faite en ambulatoire pour savoir comment ils allaient à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est là qu'on voit qu'à 1 mois, il y a encore un quart des gens qui ont des symptômes, mais heureusement, un peu plus loin, à 4-5 mois, il n'y a plus que 10%. Donc la vraie fréquence du Covid long, on ne la connaît pas, mais elle dépasse pas, à mon avis, ça doit être de l'ordre de 10-15%. Quoi. Il ne faut pas que les gens aient peur en se disant... Bien sûr. pouvait avoir des symptômes dans trois quarts des cas. C'est quand on a été hospitalisé qu'on a ça. Non, mais c'était important de le repréciser parce que le distinguo n'a pas toujours été fait et je pense qu'il fallait vraiment qu'on soit bien précis là-dessus. Effectivement, pour le moment, donc ce dont on parle, c'est-à-dire les Covid longs de personnes qui n'ont pas fait de forme sévère, on serait sur 10-15%, peut-être d'ailleurs qu'on peut dire maintenant tout de suite, Dominique Salmon-Séron, 10-15% après plusieurs mois, mais quelle est l'évolution que l'on peut constater de ces Covid dits longs et de ces symptômes avec le recul que l'on a, c'est-à-dire un recul d'un peu moins d'un an? L'évolution est très particulière. Les gens font des exacerbations. Des fois, ils se réveillent pas mal, prêts à retravailler, avoir une bonne journée. Et tout d'un coup, ils sont arrêtés par des poussées, des fluctuations, donc qui sont quelquefois déclenchées par rien de particulier. Mais assez souvent, on retrouve des facteurs déclenchants. Un effort physique ou un effort intellectuel trop important, ou quelquefois les règles chez les femmes, ou un énorme stress. Et donc, ces fluctuations, au départ, elles sont très fréquentes, plusieurs fois par mois et très élevées. Les gens qu'elles sont quelquefois obligés de rester alités après ces poussées. Et puis, au fur et à mesure du temps, les fluctuations s'espacent un peu et les poussées sont moins fortes. Mais si une certaine pourcentage de patients sont guéris, ne reviennent plus à l'hôpital, heureusement, il y a encore des patients, là, à 9 mois, qui continuent à avoir quelques symptômes embêtants. Via Titrane. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Dominique. Après, sur l'évolution des symptômes, aujourd'hui, on est relativement tôt. Et en particulier, la grande question, c'est de savoir est-ce que en fait, ça va s'arrêter au bout d'un moment ou est-ce que ça va vraiment se chroniciser comme ça? Et il n'y a pas encore vraiment de réponse. Il y a quelques éléments qui peuvent être rassurants, c'est que sur les syndromes de fatigue chronique qu'on a pu observer dans d'autres maladies infectieuses, comme on l'avait dit tout à l'heure, dans la plupart des cas, après un an, il ne reste plus que 10% des patients qui l'avaient au début qui ont encore des symptômes. 10% des 10%. Ouais, c'est ça, c'est 10% des 10%. Et après, alors d'un autre côté, on dit il n'y a que 10%, mais aujourd'hui, il y a à peu près 100 millions de personnes dans le monde qui ont été infectées par le SARS-CoV. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, c'est les deux côtés de la balance. J'aimerais qu'on parle un peu de votre étude Compare via Titrane pour communauté de patients pour la recherche. Alors qu'est-ce que c'est que cette étude? Quels sont les premiers résultats dont vous disposez? Et je crois que l'étude est encore en cours. Dites-nous un peu ce que sont vos travaux à l'heure actuelle. Donc Compare, c'est un grand projet de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et de l'Université de Paris. Et ça vise à créer une communauté de patients qui vont donner un peu de leur temps pour faire avancer la recherche sur les maladies chroniques. En fait, Compare ne porte pas spécifiquement sur le Covid long, mais porte aussi sur le diabète, l'asthme, la lombalgie chronique, etc. Et en fait, en fin d'année dernière, on a fait un choix en disant que le Covid long, ça ressemble, il y avait quand même des similarités importantes avec la maladie chronique. Et donc, on a décidé de lancer un volet Covid long au sein de Compare. Et aujourd'hui, il y a à peu près 1200 patients qui ont rejoint Compare et qui ont déclaré avoir un Covid long. Donc pour nous, c'est un Covid qui dure depuis plus de 3 semaines, qui soit confirmé ou suspecté. Et en fait, l'idée, c'est de la première étape de ce projet, c'est de développer un outil pour évaluer correctement les symptômes de la maladie. En fait, quand on regarde les différentes études, on a une multitude d'études aujourd'hui qui vont évaluer le Covid long, et chaque étude va évaluer quelque chose d'un peu différent. Par exemple, si vous prenez l'étude du Lancet dont tout le monde parle, elle ne mesure pas ou elle n'évalue pas les troubles cognitifs, alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah, le fait d'avoir, vous savez, cette espèce de brouillard mental, c'est une manifestation très importante du Covid long. Donc, notre idée, c'était de partir de ce que disent les patients, de l'ensemble des manifestations que peuvent décrire les patients en texte libre, pour identifier une série de manifestations potentiellement du Covid long, et ensuite de les mesurer. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire dans Compare, et donc on travaille pour l'instant sur cette première étape qui est d'identifier l'ensemble des manifestations possibles du Covid long. Et là, du coup, vous êtes dans une phase où vous êtes en train justement d'essayer d'établir un questionnaire plus précis. Quelles sont les différentes phases justement d'analyse que votre étude doit aborder? Donc en fait, pour développer une mesure fiable et reproductible qui permettrait de suivre correctement les patients souffrant de Covid long, en fait, on suit deux étapes. La première étape, c'est vraiment donc d'identifier l'ensemble des manifestations potentielles du Covid long et aussi d'identifier l'impact que peut avoir la maladie sur la vie des gens. L'impact qui peut être professionnel, familial, l'impact sur les relations avec les soignants, etc. Et dans une deuxième phase, on utilise ces données qu'on a collectées en texte libre auprès des participants de Compar pour créer un questionnaire, utilisant cette fois-ci des questions fermées, qui serait une checklist de symptômes d'une part et un ensemble de questions d'autre part pour évaluer l'impact. Et là, on demande aux patients de Compar de compléter ça. Et puis, on regarde comment ça se corrèle ou comment ça évolue parallèlement avec la qualité de vie des gens, leur fonction, la sévérité de leurs symptômes utilisant d'autres échelles. Et comme ça, on arrive à se dire qu'on a une échelle scientifiquement valide et très complète pour évaluer le Covid long. Alors, je sais qu'on l'a déjà tweeté, mais peut-être qu'on peut remettre le lien pour nos auditrices et nos auditeurs en direct maintenant. N'importe qui peut être recruté par Compar. Quels sont les profils que vous recherchez, par exemple? Donc, merci de cette question. Globalement, en fait, Compar, c'est une étude en ligne. Ça veut dire que n'importe qui peut participer de chez lui à la recherche. Et pour ça, il suffit de se connecter sur le site internet compar.aphp.fr. Et ensuite, il suffit de renseigner les différents éléments au fur et à mesure de l'étude, de déclarer qu'on a eu un Covid et de remplir le questionnaire d'étude. Aujourd'hui, on cherche évidemment à recruter des gens. La seule spécificité de l'étude, c'est qu'elle ne s'adresse aujourd'hui malheureusement qu'aux adultes et on ne collecte pas de données chez l'enfant. D'accord. Eh bien, c'est entendu. On va remettre le lien tout de suite sur notre fil Twitter @laméthodesc. On va s'intéresser à votre autre étude, Dominique Salmon-Séron, qui s'appelle Persicor. Parlez-nous un peu de cette étude. De quoi s'agit-il par rapport à Compar? Comment est-ce que vous avancez justement dans vos recherches? C'est une étude complémentaire. Compar est une étude épidémiologique, donc qui va voir les choses en gros par ce que disent les patients, tandis que Persicor est une étude clinique. Les patients se présentent à l'hôpital, ils ont un examen clinique, des examens biologiques. Et donc, ça nous permet de chercher une cause aux symptômes, parce qu'il n'y a pas que les symptômes, il faut voir ce qu'il y a derrière comme explication. De chercher une cause aussi, un mécanisme, essayer de voir quels sont les mécanismes, et aussi de proposer des traitements, de voir quels sont les traitements qui marchent et qui ne marchent pas. Et donc, ces deux aspects se complètent vraiment. Il y a l'aspect épidémiologique qui va donner les fréquences, faire le suivi, ça c'est très important. Mmh. Et l'outil de Compar est vraiment extra parce que par Internet, ça va beaucoup plus vite. C'est les patients eux-mêmes qui saisissent leurs données. Et puis l'étude de Persicor qui est plus laborieuse, mais qui donne autre chose. Par exemple, nous, ça nous a permis, devant ces symptômes, de faire des examens et de voir quelles étaient les atteintes pulmonaires des sujets. Par exemple, on voit qu'il y a très souvent un syndrome d'hyperventilation. On peut le rééduquer par de la kinésithérapie, où il y a des asthmes, des hyperréactivités bronchiques. On peut les traiter par des bronchodilatateurs ou des corticoïdes inhalés. On a trouvé des myocardies, des péricardites, les syndromes dysautonomiques dont je vous parlais. Donc tout ça, c'est grâce à ces examens. On fait aussi de la recherche clinique avec l'Institut Pasteur ou d'autres chercheurs, vous voyez, avec grâce aux patients qui se prêtent à des recherches, et ça nous a permis de voir que chez certains patients, on avait une persistance du virus pendant plusieurs mois. Donc chez certains patients, ces signes prolongés sont expliqués par du virus qui persiste. Mmh. Ça nous a permis aussi, par exemple, de montrer que rarement les gens ont un syndrome inflammatoire. Ils n'ont pas de maladie auto-immune, de gros syndrome inflammatoire. Il y a sûrement des désordres immunitaires qui font qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser du virus aussi simplement que les autres. Mais voilà, on fait aussi une autre originalité, c'est les aspects psychologiques et de dépression. Les patients, quand ils se présentent, on leur propose de remplir des questionnaires sur l'anxiété, la dépression, et si on a des indices, de rencontrer un psychiatre. Donc ça permet de voir quelle est la balance entre des signes organiques et éventuellement un terrain anxieux qui est souvent associé d'ailleurs, bien souvent sûr. Secondaire. Parce que par exemple, excusez-moi de vous interrompre, j'ai justement, c'est intéressant que vous parliez de ça parce que j'ai justement Dominique Salmon-Séron, un auditeur ou une auditrice là sur Twitter qui parle, qui répond justement à cette étude Compar et qui nous dit, moi je n'ai pas eu le Covid, mais le confinement fait qu'aujourd'hui j'ai les mêmes symptômes, c'est-à-dire des symptômes, j'imagine, d'anxiété, de troubles du sommeil, de peut-être de difficultés de concentration. Comment est-ce qu'on peut considérer d'une certaine manière qu'il s'agit, eh bien, d'une autre forme et que l'on pourrait remettre un peu dans le même panier entre guillemets? Est-ce que c'est complètement autre chose? Qu'est-ce qu'on fait quand on est durement affecté psychologiquement par la situation que l'on endure de pandémie et de confinement à répétition depuis un an? Alors, c'est tout à fait possible de développer des signes comme ça très variés. On appelle ça des signes fonctionnels qui sont liés à l'anxiété aussi. Hein. Donc, il faut surtout pas rester seul chez soi. Essayez d'avoir des activités qui vous plaisent. Et puis, si on souffre trop, en parler, pas hésiter à rencontrer quelqu'un, un spécialiste. Hein. Ça, c'est tout à fait possible que le stress lié au traumatisme de cette infection provoque des signes fonctionnels. Mmh. Et donc, justement, c'est intéressant cette question parce que ça montre que, donc, Compare est une étude, Persicor est une autre. Mais la grande étude qu'il faudrait faire, c'est une étude en ville. Vous voyez, chez les généralistes ou même en contactant les personnes pour savoir exactement combien ont des signes de Covid long, combien ont des signes d'anxiété, de dépression. Et très certainement, chez des gens qui n'ont pas eu le Covid, on a des symptômes qui apparaissent qui sont liés au stress. Oui. Mmh. Faut démêler tout ça. Il y a une question aussi qui se pose, je crois qu'on ne l'a pas tout à fait posée, mais peut-être qu'elle est intéressante tout de même. Chez ces patients Covid long, on rappelle que ce sont des patients a priori non hospitalisés, qui ont eu des formes modérées du Covid et qui continuent à présenter un certain nombre de symptômes après plusieurs mois, au moins après 12 semaines après le début de l'infection. Est-ce que cela est lié à une charge virale persistante? Est-ce que chez ces patients, si on fait des tests PCR, on continue à trouver de la charge virale à l'intérieur de leur organisme, ou est-ce que ça n'a rien à voir, Vietitrane? Je pense que ça n'a rien à voir. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les causes de la maladie, on peut avoir donc les séquelles qui sont vraiment l'atteinte des organes. On pourrait avoir ce qu'on appelle l'espèce de grand paquet du Covid long, mais en fait le Covid long, ce qui est compliqué, c'est que ça désigne vraiment l'ensemble des choses, mais disons des manifestations de fatigue chronique qui peuvent être d'origine dysautonomie, comme disait Dominique Salmon, ou d'origine immunitaire. On a une partie de stress post-traumatique qui peut être liée aux événements, au confinement ou au fait d'avoir eu une infection qui pourrait être grave et dont les gens des fois continuent à avoir des manifestations après. Et puis après, il y a des gens qui ont une persistance virale. Aujourd'hui, les gens qui ont une persistance virale, à ma connaissance, c'est plutôt des gens qui avaient des désordres immunitaires, qui soient innés, enfin liés à une maladie qu'ils ont, ou acquis parce qu'ils ont eu un traitement contre le cancer, ou ils ont un traitement immunosuppresseur pour une de leurs maladies. Et ça, c'est plutôt une forme très différente de la maladie que le Covid long. Mmh. La plupart des gens n'ont plus de charge virale après 2-3 semaines. Quoi. Dominique Salmon-Séron, une autre question aussi qui nous arrive, et je suis pas sûr là aussi qu'on l'ait dit de façon totalement explicite, la perte de goût, la perte d'odorat, l'anosmie, la gueusie, en général, aujourd'hui, avec un an de recul, finissent toujours par disparaître, ou est-ce qu'il y a des formes où elles se maintiennent même après un an? Ça disparaît dans 90% des cas, mais dans un certain pourcentage de cas, les gens gardent des troubles de l'odorat. Donc c'est pas l'anosmie complète, mais ils ont un odorat qui est complètement déformé. Ils vont sentir par exemple du pétrole alors qu'ils boivent du café, ou et ça sent mauvais alors que ça ne sent rien, ou alors au contraire, ils sentent pas bien. Donc ces troubles de l'odorat persistent. Et chez ces personnes qui ont des troubles de l'odorat persistants, de même que chez certains qui ont des troubles neurologiques, justement, chez ces gens-là, on peut trouver encore une inflammation au niveau du bulbe olfactif, si on fait des IRM, et on a trouvé occasionnellement que le virus persistait. Mmh. Donc moi, je n'élimine pas cette piste. Je pense qu'il faut vraiment être sûr que le virus est bien parti. Et alors, ça sert à rien de le faire à tout le monde, de toute façon, hein, parce que les gens sont pas contagieux. La PCR au niveau rhino-pharyngé, souvent négative. Il persiste, le virus, c'est qu'il persiste à toute petite quantité dans des cellules réservoirs. Mmh. Mais c'est peut-être ça qui pourrait expliquer cette irritation. Mais c'est vrai que ça ne change rien pour la personne. La personne, elle a besoin qu'on fasse un diagnostic et qu'on donne des traitements qui marchent, des traitements symptomatiques qui marchent, et d'être assurée sur le fait qu'elle n'est pas contagieuse. Mmh. Peut-être un mot pour conclure cette émission sur la question de la reconnaissance de ce Covid long. Vous en parliez tout à l'heure, Dominique Salmon-Séron, sur la reconnaissance par la Sécurité sociale. On sait que les associations de malades interpellent les pouvoirs publics pour que ces formes de Covid long puissent être reconnues comme une pathologie chronique. Où en est-on exactement? Est-ce que le Covid long peut être aujourd'hui reconnu? Est-ce qu'il y a un effort à faire? Est-ce que c'est quelque chose dont le ministère de la Santé a été saisi et auquel il aurait apporté des réponses, Dominique Salmon-Séron? Alors en fait, c'est plutôt une mobilisation politique. À l'Assemblée nationale, plusieurs députés ont déposé ou sont en train de préparer des projets de résolution justement pour que les complications à long terme du Covid soient reconnues. Parce que pour l'instant, pour être reconnu en maladie, il faut avoir été ventilé. Donc on en est loin là. Hein. Donc voilà, il y a vraiment du chemin à faire pour que les patients puissent être reconnus en maladie chronique, en maladie professionnelle. Maintenant, si un médecin voit un patient qui a un Covid long, très sévère, qui ne peut pas retourner travailler, il peut très bien demander à la Sécurité sociale une reconnaissance en maladie longue durée, qui n'est pas dans la liste, qui est hors liste. C'est tout à fait faisable. Hein. Tout à fait faisable. Donc, mais il faut aller plus loin si on veut après des compensations éventuellement financières, s'il s'agit d'une maladie professionnelle, de soignants. Il faut que ça passe par une loi et on n'en est pas encore là. C'est ça, pour les soignants, les enseignants aussi le réclament le cas échéant hein, parce qu'ils sont évidemment toujours en cours et parfois confrontés à des risques accrus d'infection. Un mot peut-être sur cette question de la prise en charge, de la reconnaissance par les pouvoirs publics, Viet Thi Tran, pour conclure. Dans certaines études, en fait, on voit que jusqu'à 20% des gens, au bout de 7 mois après l'infection initiale, n'arrivent pas à reprendre le travail parce qu'ils sont trop fatigués, parce qu'ils ont des crises, des troubles cognitifs, etc. Donc la reconnaissance de la maladie est quelque chose de très important. Après, de manière plus générale, en fait, le Covid long ressemble à énormément de maladies, comme on l'a dit tout à l'heure, le syndrome de fatigue chronique ou la fibromyalgie, où en fait, ce sont un ensemble de patients qui demandent une reconnaissance de leurs troubles parce que ils ont une souffrance existante et qui n'est parfois pas très bien reconnue par les médecins. Et donc, c'est important d'écouter les patients et de s'aligner, exactement comme le dit Dominique, pour éventuellement faire des demandes de prise en charge hors liste si nécessaire. Et pour cela, concrètement, Dominique Salmon-Séron, qu'est-ce qu'il faudrait ? Ça doit venir soit des députés, ça peut venir des ministres. Est-ce que les associations de patients peuvent faire quelque chose concrètement pour accélérer cette procédure ? Dominique Salmon-Séron, est-ce qu'on... Oui, voilà, les associations de patients ont interpellé directement Olivier Véran, se sont beaucoup manifestés. Et donc, la Direction générale de la santé attend actuellement des recommandations qui vont être élaborées par la Haute Autorité de Santé avec un groupe d'experts. Donc, ces recommandations devraient être prêtes d'ici deux, trois semaines. Elles vont être publiées. Ce sera les premières recommandations en France sur la prise en charge des formes prolongées de Covid. Et suite à ça, je pense que ça donnera des éléments à la Direction générale de la santé pour organiser les choses, à la fois la prise en charge, mais aussi peut-être la reconnaissance. Voilà. Après, chacun a son rôle. Hein, pour la reconnaissance, ça passera par l'assurance maladie, etc. Mais à la fois, les députés ont leur rôle et la Direction générale de la santé a son rôle. Et je crois que les patients, c'est un peu comme ce qui se passait au cours du VIH, où avant les antirétroviraux, les patients trouvaient qu'on n'allait pas assez vite. Et ils nous ont beaucoup stimulés pour la recherche, pour avancer. Là, il se passe la même chose. C'est entendu. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Viet Thi Tran, merci Dominique Salmon-Séron d'être venu nous parler de ce Covid long. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Vétienne, Céline Lozen, Alexandre Morales, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulf, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Sofiane Actib à la technique. Demain, ce ne sont pas vraiment des étoiles, ce ne sont pas vraiment des planètes, mais quelque chose entre les deux, et on ne va pas dire des étoiles ratées pour ne vexer personne. On vous parlera des naines brunes, et puis surtout, faites une croix dans votre agenda pour jeudi, puisque nous avons la chance d'avoir un invité très spécial qui nous a consacré une heure entière de son temps. Jeudi à 16h, nous discuterons avec le vulgarisateur astrophysicien successeur en quelque sorte de Carl Sagan via la série Cosmos, Neil deGrasse Tyson sera notre invité, ce sera jeudi à 16h. Mais avant cela, on se retrouve demain, ce sera mardi, et toujours à 16h, et toujours jusqu'à preuve du contraire.